De vengeance t'es vaincu, oui. Je les nargue, les flop pop plop, cachure de dirty MC, oui. Reste pas les si trouves-tu ce son hardcore. Miroir, miroir, dis-moi qui est le poète de la mort. Hardcore, hey. Le poète de la mort, le poète de la mort. Hardcore, hey. Le poète de la mort, le poète de la mort. Hardcore, hey. Le poète de la mort, le poète de la mort. Hardcore, hey. Le poète de la mort, le poète de la mort. Comme un dieu, je tourbillonne ton esprit. Le dieu missionnaire te laissera l'air ébahi. Quand je saisis le email, si je t'envoie en l'air, car devant moi, ne prends pas des airs. Mais vite, je me réveille à minuit pile. Il faut que je file comme un décrime avec mon style de fou. Que j'expose aux défis lourds. Amassant mes sortilèges dans un trou où je les malmène, beaucoup leur chair humaine. Le cannibale, oui, c'est moi le phénomène. Elle, le Lucifer, des vers en air qui t'injecte ces quelques paraboles pour te satisfaire. Le poète de la mort, le poète de la mort. Le poète de la mort, le poète de la mort. Hardcore, le poète de la mort, le poète de la mort. Hardcore, le poète de la mort, le poète de la mort.